France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La Nouvelle Compagnie des Indes. Quel joli nom. La rue Quincampoix à Paris. Quelle rue célèbre. Que sait-on de Las? Las, vous savez, L-A-W, mais ça se dit Las. Eh bien, il a introduit en France le billet de banque, il a créé presque la première bourse dans le monde. De lui, Saint-Simon disait, il pensait grandement en beaucoup de choses. Alors, en France, toujours lui qui était un économiste écossais, il a créé la finance, il a voulu établir le crédit public en France. La finance, enfin le papier, monnaie, et puis il est l'inventeur d'un système qui, dans un premier temps, a enrichi la France. Du moins, on croit qu'il l'a enrichi. La suite, la banqueroute. La ruine des épargnants, ce n'est pas du roman, ce n'est pas du cinéma, c'est de l'histoire, celle de l'économie, celle des mœurs boursières, celle de l'État et celle des individus. Si ce n'est pas du roman, c'est pourtant très romanesque, et ce fut en 1961 une dramatique historique diffusée sur France Culture dans le cadre de l'émission « Analyse spectrale de l'Occident ». Dans le cadre de l'analyse spectrale de l'Occident, la radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter L'As ou le génie trahi, évocation de Philippe de Saint-Robert, avec Teddy Bilis, Jacques Castelot, Paul Cambeau, Raymond Jérôme. Réalisation Guy Delaunay. Aujourd'hui, il n'est plus question de parler de constitution ni de la guerre avec l'Espagne. Un nouveau pays de cocagne roule à présent sur le tapis que l'on nomme Mississippi. Nous sommes en 1719. Depuis 3 ans, un gentilhomme écossais, John Las of Lauriston, a pris en main la destinée financière de la France. Cette tâche n'a jamais été facile. Lorsque le grand roi mourut, les caisses de l'État contenaient 800 000 livres et la dette publique s'élevait à 2 milliards 400 millions. Le déficit pour l'année suivante était déjà de 78 millions. Philippe d'Orléans, régent du royaume, cherchait un prestidigitateur, on n'eut pas besoin de l'inventer. John Las, depuis 2 ans, faisait antichambre, son heure était venue. Introduisez le seigneur Las auprès de son Altesse royale. Monsieur, je suis heureux de vous recevoir. Je vous ai fait mander parce que le conseil paraît mûri au point qu'il faut pour risquer la tentative dont vous m'avez entretenu. Monseigneur, je ferai en sorte que l'interrègne soit plus grand que le règne. Ce qui manque au royaume, ce n'est ni le courage qui est grand, ni la population qui est nombreuse, ni la terre qui est riche. Ce qui lui manque, c'est une banque qui garde l'argent, fournit un numéraire qui circule et fructifie le commerce, multiplie les échanges. Que votre Altesse royale m'en donne le pouvoir et je fais de la France la nation la plus puissante et la plus riche d'Europe. Monsieur, vous avez ma confiance. Votre Altesse royale se souviendra qu'un jour, étant à Marly, elle me fit l'honneur de me dire que par les ouvertures que je lui faisais, elle commençait de voir au travers les difficultés des affaires du pays. J'eus l'honneur de lui dire alors que mon idée de banque n'était pas la plus considérable, que j'en avais une par laquelle je fournirais 500 millions qui ne coûteraient rien au peuple. Je ne veux pas croire que votre Altesse royale ait oublié cette proposition ou qu'elle veuille la négliger. Elle mérite son attention. Il ne nous reste qu'à l'inscrire dans les astres, monsieur. Mais pour l'heure, il nous reste surtout à persuader le conseil et le maréchal de Noailles. La Banque Générale est fondée le 2 mai 1716 avec un capital de 6 millions, divisé en 1200 actions de 5 000 livres. Mais le duc de Noailles, président du Conseil des Finances, obtint que les trois quarts en fussent souscrits en billets royaux et mis sous le feu roi, qui avaient perdu alors 70 à 80% de leur valeur. Dès l'année suivante, John Lass fonde la Compagnie d'Occident pour l'exploitation de la Louisiane afin de soutenir ses émissions de billets à ordre. Le succès est énorme. Le capital de la compagnie est de 100 millions, divisé en 200 000 actions de 500 livres, entièrement souscrites en billets d'État à 4% de rente, ce qui assure dès le départ 4 millions de revenus à la compagnie. Ruquin-Campois se mêle, laquais et prince du sang. 8 000, 10 000, 13 000, 14 000. Prête ta bosse, Marot. Monsieur le duc te le rendra. Voilà 10 louis de sa part. Place! Laissez passer mon seigneur, le prince de Conti. C'est malheureux de voir pareille histoire pour du papier. Mais achète donc, vieux bougon, tu seras riche. Qu'est-ce que je vais faire de ce papier? Mais tu le revendras, tu achètes, tu revends et tu es riche. Dieu ne tire pas plus rapidement les hommes du néant. Il faut vivre avec son temps. Là maintenant, c'est fini. Laissez passer le seigneur là. Ah, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Hélas, monsieur le chevalier, pourquoi êtes-vous si triste? Paris n'est-elle pas une bonne ville? Mais c'est que je n'ai d'autre ressource, monsieur, que de vivre dans ma province. J'ai 15 000 livres de rente en fonds de terre et je me croirais plus heureux si j'avais le quart de ce bien-là en argent et en effet portable partout. J'ai beau presser mes fermiers, les accabler de frais de justice, je ne fais que les rendre plus insolvables. Je n'ai jamais pu voir 100 pistoles à la fois. Si je devais 10 000 francs, on me ferait saisir toutes mes terres et je serais à l'hôpital. Permettez-moi, monsieur. Je suis le marquis de Lassay. Monsieur Lass est de mes amis, et si vous voulez bien me suivre, j'ai mes entrées dans son cabinet. Il veut que le système pénètre dans toutes les provinces du royaume. Oh, monsieur, je serai votre obligé. Le régent supprime le conseil des finances et nomme un ministre que l'on croit plus docile, le marquis d'Argenson. En réalité, tout acquis au frère Paris et à l'antisystème. Lieutenant de police, il avait déjà signalé son obstinité à Lass 10 années auparavant en l'expulsant du royaume. 1719, Lass monte au plus haut avant d'être précipité au plus bas l'année suivante. En janvier, est fondée la Banque royale. En mai, Lass fonde toutes les compagnies existantes en une seule, la Nouvelle Compagnie des Indes. Émises à 500 livres, les actions vaudront en octobre 18 000 francs. Elles finissent par représenter 3 milliards de livres, alors que les caisses de l'État ne possèdent que la garantie de 700 millions. Deux arrêts du Conseil d'État ramènent la valeur du louis de 36 à 35, puis à 34 livres. Chacun porte son or à la banque, de peur qu'il ne baisse encore. On reçoit des billets avec lesquels on s'empresse Ruquin-Campois pour acheter des actions. La dette publique est épongée. Le régent peut faire la guerre à son cousin d'Espagne. De Paris, le premier de la lune de Zilcadé, 1720. Lettre de Rica à Ibn, à Smyrne. La France, à la mort du feu roi, était encore accablée de mille maux. Noailles prit le fer à la main, retrancha les chairs inutiles et appliqua quelques remèdes topiques. Mais il restait toujours un vice intérieur à guérir. Un étranger est venu qui a entrepris cette cure. Après bien des remèdes violents, il a cru lui avoir rendu son embonpoint. Il l'a seulement rendu bouffi. Tous ceux qui étaient riches il y a 6 mois sont à présent dans la pauvreté, et ceux qui n'avaient pas de pain regorgent de richesses. Jamais ces deux extrémités ne se sont touchées de si près. L'étranger a tourné l'État comme un fripier tourne un habit. Il fit paraître dessus ce qui était dessous, et ce qui était dessus, il le met à l'envers. Quelles fortunes inespérées, incroyables même à ceux qui les ont faites. Dieu ne tire pas plus rapidement les hommes du néant que de valets servis par leurs camarades et peut-être demain par leurs maîtres. La spéculation a pris des proportions telles qu'en mars 1720, la régence prend des mesures. La rue Quincampoix est fermée. Les agioteurs poursuivis se réfugient en l'hôtel du prince de Carignan. De Paris, le 11 de la lune de Ramazan, 1720. Lettre de Hubsec à Redi, à Venise. Ils appelaient des lois odieuses en garantie des actions les plus lâches et nommaient nécessité l'injustice et la perfidie. J'ai vu la foi des contrats bannis, les plus saintes conventions anéanties, toutes les lois des familles renversées. J'ai vu des débiteurs avares, fiers d'une insolente pauvreté, instruments indignes de la fureur des lois et de la rigueur des temps, feindre un paiement au lieu de le faire et porter le couteau dans le sein de leur bienfaiteur. J'ai vu naître soudain dans tous les cœurs une soif insatiable des richesses. J'ai vu se former en un moment une détestable conjuration de s'enrichir, non par un honnête travail et une généreuse industrie, mais par la ruine du prince, de l'État et des concitoyens. Que dira la postérité lorsqu'il faudra rougir de la honte de ses pères? Que dira le peuple naissant lorsqu'il comparera le fer de ses aïeux avec l'or de ceux à qui il doit immédiatement le jour? Je ne doute pas que les nobles ne retranchent de leur quartier un indigne degré de noblesse qui les déshonore et ne laisse la génération présente dans l'affreux néant où elle s'est mise. Le public a pris peur. Les spéculateurs prudents veulent réaliser leurs biens. Les billets baissent, tout s'écroule. En raisonneur froid et dogmatique, l'as démontre aux régents que son système n'a pas failli. Monseigneur, je n'ai point failli à la confiance que votre Altesse royale a daigné me faire en me remettant le contrôle général des finances. Je vous suis honnête, monsieur le ministre, mais la situation est grave. Vous n'êtes plus populaire. Ce mercredi, un officier fut tué rue Saint-Antoine, qu'on avait pris pour vous. Monseigneur, si le peuple pouvait m'entendre! Aucune raison n'est valable à son affolement. N'était le mauvais exemple de certains grands du royaume. Monseigneur le prince de Conti... Monsieur, puis-je faire pendre mon cousin? Pardonnez-moi, monseigneur. Mais écoutez ceci. L'or ni l'argent n'ont plus de valeur que ce qu'ils valent comme métal. Ils ne sont pas la valeur pour laquelle les denrées sont échangées, mais la valeur par laquelle elles sont échangées. Une seule chose compte, que l'espèce ne manque pas pour que le commerce ne manque pas. Mais il importe peu que cette espèce soit du papier, si elle est garantie par l'État. Très bien. J'ordonne que les billets de banque soient reçus en paiement dans le royaume et vous autorise à réglementer leur libre-échange contre l'or que détient la banque royale. Je consens aussi à ce que la valeur nominale du numéraire soit réduite en échange de ce que tout le reste, billets et actions, soit réduit en proportion. Ah ça, monsieur de Lassay, je suis ruiné. Oh, mais comment cela, monsieur le chevalier, n'avez-vous point fait affaire? Je suis ruiné, et je n'ai plus de quoi vivre. Car j'ai actuellement chez moi 200 000 livres en billets de banque et 100 000 écus d'argent. Je me trouve dans une situation affreuse. Je me suis cru riche et me voilà à l'hôpital. Au moins, si j'avais seulement une petite terre où je pusse me retirer, je serais sûr d'avoir de quoi vivre. Mais je n'ai pas grand comme ce chapeau de fond de terre. Ah, monsieur, c'est que vous avez vendu vos terres quand il ne fallait pas et n'avez point changé vos billets quand il le fallait. Depuis que là c'est catholique, tout le royaume des Capucins. Depuis que là c'est catholique, tout le royaume des Capucins. Depuis que là c'est catholique, tout le royaume des Capucins. Depuis que là c'est catholique, tout le royaume des Capucins. Mais seul aujourd'hui contre la bêtise et la haine, John Lass ne pouvait plus rien pour sauver son système. En quelques mois, les prix avaient doublé ou triplé. Le sac de blé était passé de 8 à 32 francs. La viande était à 14 sols la livre, contre 7 quelques semaines auparavant. L'ouvrier, qui gagnait naguère une livre, en demandait 6 pour une journée. Ainsi John Lass, qui, dira Saint-Simon, pensait grandement en beaucoup de choses, n'était plus qu'un obstacle au retour à l'apaisement. L'arrêt du 21 mai avait été rapporté. John Lass n'eut plus qu'à se démettre, quelque grande que soit restée sa faveur auprès du duc d'Orléans. Le 10 octobre 1720, un arrêt du Conseil d'État promulguait qu'aucun billet de la banque ne devait plus être donné ni reçu en paiement à dater du 1er novembre. Monsieur de Voltaire eut un ricanement. On a réduit le papier à sa valeur intrinsèque. Et les librettistes chansonnaient. Mesdames, messieurs, écoutez ceci et vous comprendrez. Belzébuth engendra l'As. L'As engendra Mississippi. Mississippi engendra le système. Le système engendra le papier. Le papier engendra la banque. La banque engendra le billet. Le billet engendra l'action. L'action engendra l'agio. L'agio engendra le registre. Le registre engendra le compte. Le compte engendra le bilan général. Le bilan général engendra zéro, à qui toute puissance d'engendrer fut ôtée. Pour l'As, avec tout autre que le régent, c'eût été la potence. Mais Philippe d'Orléans était le plus fin des hommes. Et le 14 décembre 1720, John Las of Lauriston quittait en cachette sa demeure de la place Louis-le-Grand pour son château de Guermantes. Par où passe-t-on ? Par la nuit. Nous approchons, mon père. Vous verrez, la maison est agréable. Que voilà, Aster ! Ouvre donc, jardinier. Ne reconnais-tu point ton maître ? Oh, par ma foi, voilà 3 ans que monseigneur a acheté cette terre à monsieur le président de Viol, et je n'y ai point encore vu jusqu'à aujourd'hui. Merci, jardinier, tu fais un bon portier. Tiens. Oh, monseigneur est ben bon. Monseigneur verra. Ben, il fait pas un jour à cette heure. Monseigneur le verra ben demain. J'ai remis le parc en état, les parterres, les fleurs, oui, tout. Oui, nous verrons cela demain. Veille à la porte. J'attends un courrier de monsieur le duc. Jean, l'exil commence ici pour moi. Mon père. Mais au fond, qu'ai-je jamais été d'autre qu'un exilé ? Exilé toujours, parcourant l'Europe. Je ne savais plus si c'était moi qui poursuivais quelque chose ou si j'étais poursuivi. Et maintenant encore, je l'ignore. Lassé, la faille ! Merci d'avoir été si prompt. Quelle nouvelle ? Le régent accepte-t-il que je reste son conseiller privé ? Moi seul peux rétablir... Monseigneur, le duc de Bourbon a pu obtenir de son Altesse royale qu'elle ne s'oppose pas à ce que vous quittiez le royaume. Vos passeports seront ici demain avec une chaise de poste. Très bien. Je comprends. Monsieur ? Monsieur est un gentilhomme persan qui pensait vous rencontrer à Paris. Il désirait si ardemment vous voir qu'il a tenu à vous rejoindre ici. Comme vous n'avez jamais refusé à quiconque de l'entretenir de votre œuvre, nous n'avons pas pensé que ce serait trahir votre retraite. En effet. Monsieur, veuillez entrer dans mon cabinet. Je vous entends, monsieur. Monsieur, je suis d'un pays qui ne vous sera pas connu. Cependant, par la correspondance que j'ai conservée avec les miens, on parle autant de votre système à la cour de Perse qu'à la cour de Saint-James. Mais au moment même où je viens pour en observer l'intelligence, on me dit que tout est renversé. Que dois-je... Non, monsieur, mon système n'a pas failli. Mais il a été trahi, comme je l'étais moi-même. En sorte que c'est finalement l'État qui est bafoué. Mais, monsieur le ministre, c'est la faillite. Vous ne pouvez démentir cela. Le temps de la désinvolture n'est plus, ne le pensez-vous pas ? Monsieur, j'ai toujours été insulté. Il est des heures où je me demande si ce n'est pas cela qui m'a soutenu. Cependant, ce n'est pas seulement le hasard de ma vie et de mes aventures qui m'a conduit dans ce pays, mais l'état dans lequel je m'autorise à vous rappeler qu'il se trouvait, à la mort du grand roi. Monsieur le duc de Noailles, quelque adverse qu'il me soit devenu, vous le confirmera. J'aime la France parce que j'ai joué sur elle la réussite de mon œuvre et de mon idée. Je l'aime parce que son Altesse royale m'y a accueilli et soutenu avec des égards que je place au plus haut des témoignages que j'aurai reçus dans cette vie. Le roi Victor Amédée, il vous en souviendra sans doute, m'avait aussi appelé dans ses états. J'ai choisi la France. Ma patrie m'a chassé, monsieur. Nulle part mieux qu'en France, je ne pouvais me donner à la réalisation de mon idée. Mais il y a cependant une chose que je veux vous marquer. C'est que les gens d'ici, qui passent pour avoir l'esprit clair, mélangent tout en politique. Pardonnez-moi, monsieur. Mon propos n'était pas de vous irriter, connaissant trop vos très hautes capacités par ce qu'on en dit. Néanmoins, je m'autorise de ce que vous avez été un homme public pour vous interroger. Qu'avez-vous voulu faire ? J'ai voulu établir le crédit public en France. Le crédit joue un rôle considérable dans l'économie politique des nations modernes. Il est si intimement lié à leur prospérité, et même à leur existence, qu'on pourrait dire que la science du gouvernement n'est autre chose que la science du crédit lui-même. Dans ce royaume, qui est le plus puissant d'Europe, on ne savait pas cela. Mais de quelle façon pensiez-vous établir votre projet ? Le crédit de l'État, ici, était au plus bas. Justement, qu'une banque existe à côté du trésor, dont c'est le rôle de faire circuler les espèces. La confiance en la Banque d'Amsterdam est fondée sur la moralité du gouvernement et sur la permanence éprouvée de ses opérations. Et aucune demande n'a éprouvé son crédit. Ainsi, l'année 1672, que Sa Majesté fit la guerre aux Hollandais, la banque a soutenu son crédit. Et cependant, je gage que la banque n'a pas dans ses caisses la contrepartie intégrale des billets qu'elle gage. Et pourquoi l'aurait-elle ? Qu'entendez-vous par là ? J'entends que les besoins du commerce sont la seule cause de prospérité des pays. La demande qui est faite du numéraire accélère le mouvement du commerce et enrichit la nation. Vous pensez donc que la richesse du pays est faite de la plus ou moins grande quantité de numéraire dont il dispose ? Monsieur, ne retournez pas la chose, je vous prie. Ce que je pense, c'est qu'il en est de la monnaie comme de tout. C'est la demande qui fait sa vraie valeur. Mais si vous comparez ce qui se passe en France et en Angleterre, vous verrez que la différence est qu'en Angleterre, le crédit et le commerce sont favorisés. Et en France, on ne les entend pas, on ne veut pas les entendre. Ce qui est louable en Angleterre est criminel en France. Il faut voir que la circulation est l'âme de l'État. Or, les espèces circulent en Angleterre et elles sont enfermées en France. Ne pas faire circuler son argent, c'est la plus sûre manière de le dévaluer. L'usure non plus n'est pas bonne au commerce, et vous savez ce qu'il en était ici. Mais cependant, monsieur, vous ne vous êtes pas arrêté à vos idées sur la nécessité de la banque et du crédit. Il semble que l'originalité de votre système, et en même temps sa perte, ait été de garantir le crédit par les bénéfices d'une compagnie divisée par actions. Je suis heureux que vous souleviez ce point, monsieur, car on m'a dit à ce sujet que des sottises. La compagnie était assurée d'un revenu de 91 millions. Comme 80 millions suffisaient à payer le dividende, qui était de 200 par action, il restait par cet état 11 millions pour remplir les vides qui seraient arrivés dans quelques parties. Mais la plupart des gens, surpris par leurs propres gains, pensèrent pouvoir les changer en monceaux d'or et d'argent, ce qu'ils appellent réaliser. Ils ne réfléchissent pas que le prix élevé des actions ne représente pas tant une monnaie courante que des fonds de capitaux. Comment cela ? Je ne saisis pas. Cette vérité devient évidente par la hausse surprenante à laquelle se sont élevées les actions, car elles surpassent dès lors en valeur tout l'or et l'argent qui pourra jamais se trouver dans le royaume. Quant aux terres de France, elles valent beaucoup plus que tout l'or accumulé dans les mines du Pérou. On peut d'ailleurs envisager, comme je l'avais fait moi-même avant de quitter l'Écosse, un système qui garantirait la monnaie par les terres. Parce qu'elles valent plus que tout l'or du Pérou, n'ont-elles donc pour cette raison qu'une valeur purement chimérique ? Que vous en semble, monsieur ? Je suis parfaitement vos raisons. Bien. En outre de cette réflexion que je suggère à ceux qui n'ont jamais réfléchi de leur vie, vont-ils prendre la résolution de réaliser en un jour toutes leurs terres et les convertir en monnaie ? Si une telle frénésie s'emparait d'eux, cela réduirait à rien les maisons et les propriétés les plus considérables. Et alors, ces vendeurs stupides manqueraient d'acheteurs. Qu'est-ce qui assure aux terres leur valeur légale, si élevée soit-elle ? Si ce n'est qu'on ne les vend point pour réaliser. Personne, en effet, ne cherche à les vendre, si ce n'est pour rétablir ses affaires. Les propriétaires se contentent communément des revenus qu'elles produisent, et elles sont pour cette raison mises en vente fort rarement. Et lorsqu'elles le sont, il se trouve toujours autant d'acheteurs que de vendeurs. Les hommes devraient donc, eu égard aux actions, raisonner de la même manière, et avec la même logique qu'ils le font en ce qui touche leurs autres propriétés. Ils paraissent malheureusement peu désireux de le faire de leur propre chef. Et il n'est rien de si difficile que de les convaincre de leur propre intérêt, et ensuite de les persuader de le poursuivre. Monsieur, vous m'aurez bientôt convaincu. Il est étrange que la rumeur publique finisse par donner aux choses un tout autre aspect que celui sous lequel on doit les regarder lorsqu'on en est instruit. Comment pourriez-vous résumer vous-même l'expérience que vous venez de tenter ? C'est très simple, monsieur. Avant que l'As entrât dans l'administration, il n'y avait point de crédit. Les ministres même n'espéraient pas pouvoir le rétablir. L'As en très peu de temps, fit circuler le crédit public en France, non seulement à Paris, mais dans les provinces du royaume. Les billets de la banque étaient préférés aux meilleures lettres de change à Amsterdam et à Londres. Et si son système avait été suivi, il y avait apparence que le crédit de la France serait devenu le crédit universel. En abandonnant le système de l'As, la France est retombée dans le discrédit d'où il l'avait tiré à la mort du feu roi. Et pendant l'administration du duc de Noailles, les négociants étrangers auraient perdu le crédit chez eux s'ils avaient accepté des lettres tirées de France. Et à présent, le commerce des banquiers avec la France est réduit aux lettres à vue, et à 3 jours. Voilà ce que je puis vous dire. Monsieur, l'avenir montrera que j'ai été un bon Français. Les institutions que j'ai fondées sont attaquées. Mais elles survivront. Et la postérité me rendra justice. Monsieur, j'espère être alors le témoin de cela, comme je le suis aujourd'hui de votre courage et de votre fermeté. Vous le serez, monsieur. Si vous vivez encore un peu. Jean ? Jean ! Je ne vous ferai mes adieux que demain à l'aube, monsieur. Mon fils va vous conduire à votre chambre. Jean ? La conversation que je viens d'avoir avec ce gentilhomme me fait voir que le péril où se trouve mon œuvre n'est qu'une traverse au regard de l'ampleur de mon projet. Je te dicterai tout à l'heure une lettre pour le régent, afin qu'il la tienne avant que j'aie quitté le royaume. Monseigneur, c'est un gentilhomme de la maison de Monsieur le Duc qui revient de Guermantes et a remis ce message que Monsieur Lasse adresse à votre Altesse royale. Encore ? Merci. Je me demande si l'on doit s'amuser de cette tendance des hommes d'action chassés à se réfugier dans l'écriture, ou si l'on ne devrait pas plutôt les envier. Voyons cela. De Guermantes, 16 décembre 1720, Monseigneur, il est difficile de me décider entre l'envie que j'ai de me retirer de toute affaire publique pour ôter à ceux que votre Altesse royale a chargé des finances tout sujet de jalousie, et le désir que j'aurai toujours de contribuer à votre gloire par les éclaircissements que je puis donner sur les moyens pour établir le crédit public et affermir un système que votre Altesse royale avait adopté, hélas, malgré les traverses qu'il a essuyées de la part de vos ennemis. Mon Dieu, ai-je des ennemis ? Bon, c'était bien possible. Je me suis défait de toute vanité avant de me déterminer à demander à votre Altesse royale la permission de me retirer. Mais je conserve toujours mon affection pour l'État et mon attachement pour votre Altesse royale. Ainsi, quand elle croira que mes avis pourraient lui être utiles, je les donnerai avec désintéressement. J'ai l'honneur d'être avec respect, Jean de Lasse. C'est vrai qu'il m'a été fidèle. Et son désintéressement. On dira qu'il a cherché à s'enrichir lui-même, car on ne prête rien plus facilement que des mobiles bas. Mais moi, je sais qu'il vint en France avec près de 2 millions, qui était sa fortune personnelle, et qu'il repart sans autre bien qu'une bourse que je lui ai fait tenir. Je ne l'ai pas seulement soutenu à cause des affaires de l'État, mais parce que j'avais reconnu chez lui cette générosité que tout joueur porte en soi, une certaine grandeur, faite de scepticisme et d'élégance. Il y avait une parenté secrète entre lui et moi. Comment nous jugera-t-on ? La fidélité de cet homme me pèse un peu, car que puis-je moi-même ? Comment lui faire entendre qu'il n'est pas toujours possible d'être fidèle quand on gouverne ? Je ne puis plus rien pour son œuvre. Lasse semble croire que le pouvoir politique donne de l'autorité sur les passions des hommes. Cependant, ayant usé de ses passions, il devrait les connaître assez pour savoir ce qu'il en est. Mon prince, comme je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Mais pourquoi êtes-vous si sombre ? Est-ce parce que vous m'aimez ? Tu expliques toujours merveilleusement les choses. Dis-moi, duchesse aimée, crois-tu de bonne foi qu'il y ait un dieu, un enfer et un paradis ? Oui, mon prince, certainement. Mais pourquoi cette question ? Parce qu'alors je pense que tu es bien malheureuse de mener la vie que tu mènes. Cruelle. Ne suis-je pas assez belle pour que Dieu même me fasse miséricorde ? Mon Dieu, si. Viens, je t'emmène danser et souper ce soir. Nous mourrons plus tard. Dans le cadre de l'analyse spectrale de l'Occident, la radiodiffusion télévision française vient de vous présenter L'As ou le génie trahi, évocation de Philippe de Saint-Robert, avec, par ordre d'entrée en action, Pascal Mazotti, le librettiste, Patrice Galbeau, le récitant, Jacques Castelot, le régent, Raymond Jérôme, l'As, Jacques Fayet, l'Asset, Roland Bourdin, le chevalier, Paul Cambeau, Montesquieu, Yves Duchâteau, Voltaire, Georges Frontec, le philosophe, Jean Péméja, le cocher, Teddy Billis, le persan, et Caroline Alexandre, la duchesse. Prise de son, Francis Granal et René Cambien. Bruitage, Jean Berriac. Assistant, Louis Boson. Réalisation, Guy Delaunay. Cette dramatique historique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 avril 1961. When the night feels so long, you're the heat that keeps me warm. When tears are falling, I am calm, you're here, and I am whole. Now and then, I am humbled. The seasons change, but I remain lost in you. Now and then, you get insecure. My feelings will remain, and I'm lost in you. Lonely days have been and gone. Our hearts, they beat as one. In your arms feels like home. You're the one, you're the one, you're the one. Now and then I am humbled. The seasons change, but I remain lost in you. Now and then you get insecure. My feelings will remain, and I'm lost in you. Lost in you. Lost in you. Now and then I am humble. The seasons change, but I remain lost in you. Now and then you get insecure. My feelings will remain, and I'm lost in you.